Unité 4, phonétique. A. Il a une canne. C'est pour ça qu'il y va. Vous êtes très amusant. Samedi, tu seras là? C'est un homme élégant. Voici Marianne.